d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Midi à tous, bienvenue dans En piste avec Tania Baudin sur les ondes de C'est fou 89 FM. On est ensemble pour la prochaine heure. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre de l'émission ou encore la formule de l'émission, eh bien pour les 60 prochaines minutes, on va discuter sport automobile, on va bien évidemment parler de pilotes de course automobile et on va aussi discuter voiture avec certains nouveaux segments dans l'émission parce que en temps normal, la saison de En piste avec Tania Baudin est terminé à ce temps-ci de l'année, mais on a décidé de prolonger le tout. Alors, on a décidé de faire de nouveaux segments aussi dans l'émission. J'espère que vous allez apprécier. Et comme à chaque semaine, bien, j'ai comme le goût de vous dicter un petit peu ce qui va suivre pour les 60 prochaines minutes. Qu'est-ce qui va se passer dans l'émission d'aujourd'hui? Premièrement, bien... Pour ceux qui nous écoutez en reprise, j'espère que pour vous, il fait un petit peu plus soleil que pour nous. De ce côté-là, ça prend beaucoup de café hein, ces temps-ci pour se mettre dedans. La température a vraiment décidé de nous quitter en question d'été. On est vraiment rentré dans le temps de l'automne. Alors, on va peut-être justement avoir ce petit côté-là un petit peu plus triste que du fait que les saisons normales en course automobile sont maintenant terminées pour la plupart, mais pour certaines autres, ce n'est pas encore terminé. Alors, bien évidemment, on va faire le retour sur ce qui s'est passé dans certaines disciplines du monde de la course automobile durant la dernière fin de semaine. On va aussi discuter d'un de nos nouveaux segments, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt. On a décidé de faire justement un nouveau segment à l'émission pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Quand j'ai décidé de poursuivre l'émission pendant le temps un petit peu plus mort des saisons de course automobile, bien, je me suis dit, honnêtement, ça prend quelque chose pour pouvoir combler toute l'information qu'on avait en été pour ce qui était du monde de la course automobile ici au Québec et ce qui était ici aussi au Canada. Tu sais, il me manque ça maintenant que les saisons sont tous terminées pour la plupart. Alors, j'ai décidé de faire un segment qui s'appelle « Segment de pilotes ». Donc, tout au long des deux dernières saisons, on a jasé avec plusieurs pilotes, que ce soit canadiens, européens, québécois. On a vraiment discuté avec plusieurs pilotes, mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'un petit peu élaborer leur curriculum vitae dans le monde de la course automobile. Et c'est ce que j'ai décidé de faire un petit peu pour la saison un petit peu plus morte en termes de course. Je vais vous présenter à chaque semaine un pilote qui a déjà fait partie de l'émission avec qui on a déjà discuté en ondes et j'ai tout simplement décidé de faire ça à chaque semaine. Alors, ça va suivre dans l'émission, bien évidemment. On va aussi avoir le segment formule électrique, voiture électrique. On se penche aussi peut-être même sur la voiture autonome cette semaine, à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Il y a beaucoup de progrès qui se fait dans le monde de la voiture, dans le monde de l'énergie aussi. Ça commence à changer de plus en plus. Il y a plusieurs de constructeurs automobiles qui décident de se pencher sur la question, à savoir qu'est-ce qui peut venir après, bien évidemment, le combustible, qu'est l'essence. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire, ça aussi, dans l'émission. Et on va avoir, bien évidemment, le segment d'hiver qui arrive un petit peu de partout sur Internet, plus précisément des médias sociaux, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur le monde de la course automobile? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue en piste avec Tania Baudin. Mmh. Je le disais en commençant l'émission, c'est un petit peu plus gris ces temps-ci, alors ça nous prend un petit peu plus de caféine pour se mettre dedans. Mais avant d'aller boire une petite gorgée de café, la semaine dernière, on a discuté des différents championnats qui se déroulaient en Europe, surtout dans le monde du karting. J'ai décidé de faire un retour sur ces gros championnats-là qu'il y avait en fin de semaine, parce qu'on avait vraiment beaucoup de Canadiens et beaucoup de Québécois qui y participaient. Alors, avant d'aller parler de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile de notre côté au Canada, bien, on va aller écouter une pièce de Thomas Rhett. On va commencer ça avec de la musique. Pour ceux qui sont des habitués de l'émission, vous le savez, c'est de la musique bien souvent country, que ce soit américain, que ce soit canadien. J'essaie de vous faire découvrir les plus récentes nouvelles chansons dans le monde de la musique country. Alors, on va écouter Thomas Rhett avec Star of the Show. Et au retour, bien, on va jaser un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile dans Division Karting. Alors, à tout à l'heure! Walking down the street, a hand of mine, it don't keep them other guys. And that one in eyes, I'm looking at you. But it's alright, and that's okay. Who could blame them anyway? You're so pretty and you ain't even got a clue. Cause everywhere we go, girl, you're the star of the show. And everybody's wondering and wanting to know. What's your name? Who's that girl with the prettiest smile in the world? But what gets me the most is you don't even know that you are, you are, you are the star of the show. You're the star of the show, baby, yeah. Friday night on the town, we walk in and you draw a crowd. Even the band seems to sing for you. He's on the motor a drink, barkeep says it's all on me. You look at me and laugh like you don't know what to do. Baby, you're so cute. Cause everywhere we go, girl, you're the star of the show. And everybody's wondering and wanting to know. What's your name? Who's that girl with the prettiest smile? Star of the Show, Thomas Rhett, un artiste américain que plusieurs connaissent pour certaines chansons qui viennent de sortir, entre autres, sur Spotify, un petit peu partout dans le monde de la musique sur Internet, disons ça comme ça, de la musique gratuite sur Internet, ce qu'on peut appeler aussi du streaming musical. Thomas Rhett, je l'aime bien pour son style musical qui me fait beaucoup penser à la plage, mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Si jamais vous avez des suggestions de chansons que vous aimeriez me faire découvrir ou que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs de l'émission En Piste avec Tania Baudin, bien, faites-moi les parvenir sur la page Facebook de l'émission En Piste avec Tania Baudin. Ça va me faire plaisir de recevoir, un, votre message, deux, de vous répondre, et trois, de passer la chanson que vous voulez. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, c'est sur Facebook que ça se passe. On n'a pas encore Twitter, pour ce qui est de la page de l'émission, mais j'ai bien évidemment ma page Twitter, Tania Baudin. Alors, si jamais vous me cherchez et que vous voulez m'envoyer ça aussi par Twitter, c'est possible, sachez-le. C'est maintenant le temps de revenir sur ce qui s'est passé durant la fin de semaine dans le monde de la course automobile. On le sait, ici, du côté du Canada et du Québec, c'est un petit peu plus mort. Les temps sont, disons-le, soyons honnêtes, les temps sont pas mal plus frettes ces temps-ci. Donc, malheureusement, la plupart des disciplines ici au Québec sont terminées, mais ça ne veut pas dire que nos pilotes canadiens ou que nos pilotes québécois ne sont plus en activité, disons ça comme ça, parce que ça s'est passé du côté de l'Italie en fin de semaine pour plusieurs d'entre eux, entre autres 15 pilotes canadiens qui étaient au championnat du monde de karting en Italie. On en a discuté grossièrement la semaine dernière. La plupart de l'émission a été basée là-dessus aussi. On voulait faire un petit peu le portrait de chacun des pilotes qui allaient être là. Comment est-ce que ça se passait pour eux? On se souvient, c'était pas mal en direct avec 6 heures de différence. Alors, de ce côté-là, c'était quand même assez difficile de vous donner tous les détails. Mais, bien évidemment, durant la fin de semaine, les finales ont eu lieu. Les prix finales ont eu lieu. Alors, on a pu savoir comment est-ce que ça s'était passé pour nos Canadiens et nos Québécois, parce qu'on en avait qui étaient là. Alors, c'était sur le circuit de Sarno en Italie. On va revenir à l'autre circuit qui était aussi tout occupé dans le même pays, en Italie. Donc, il y a eu beaucoup d'actions du côté du monde du karting en fin de semaine en Italie. Mais en tout, ces 15 pilotes qui ont été choisis un petit peu partout au Canada pour représenter le pays et participer à la grande finale mondiale dans le monde du karting en Rotax, plus particulièrement, un style de moteur bien différent de certains autres. Mais à ce jour, les pilotes ont effectué les qualifications, première course, tout ça, tout s'est super bien passé. On a les derniers résultats qui nous sont parvenus au courant de la fin de semaine. On le sait, en Italie, et surtout, je sais pas pourquoi, mais dans le monde du karting, quand on arrive à la finale mondiale, ça se passe comme ça depuis les 16 dernières années, c'était la 16e édition, on course pas le dimanche. Donc, on fait tout ça jusqu'au samedi et par la suite, le dimanche, c'est vraiment la journée où que les pilotes vont pouvoir retourner chez eux ou encore continuer leur petit voyage en Italie pour certains. Mais on a eu plusieurs pilotes québécois, canadiens qui ont su se démarquer, entre autres en Minimax. Je pense à Thomas Neveu, un nom qui est assez connu ici au Québec parce que c'est un jeune pilote qui performe extrêmement bien, qui est très bien coaché aussi par un gars de la région, Daniel Saint-Germain, qui est de Trois-Rivières, qui fait un excellent travail avec Thomas Neveu. Et Thomas Neveu, c'est comme un petit peu une perle rare du monde du karting depuis une couple d'années. Il est très difficile à battre sur piste et ça a été la même chose du côté de l'Italie en fin de semaine. Ça a été remarquable. Thomas Neveu s'est classé en 12e position après les qualifications et par la suite dans sa propre catégorie qui était Minimax on a réussi à se positionner en première position pour la finale. Ça s'est super bien passé. On a terminé vice-champion mondial. Je vous laisse penser à ça. C'était la première fois que Thomas Neveu pouvait participer au championnat mondial dû à son âge. On sait, dans le passé, les catégories micro et mini ne faisaient pas partie des classes qui allaient être présentées au championnat mondial. Mais depuis cette année, c'est une participation qu'on a mis de l'avant au championnat mondial parce que on commence à réaliser justement que ces pilotes-là veulent aussi se battre de façon mondiale contre les meilleurs pilotes un petit peu partout dans le monde. Alors, on a fait venir les pilotes en micro et en mini qui avaient gagné dans différents championnats, que ce soit canadiens, américains ou peu importe, un petit peu partout dans le monde. On les a fait participer à l'événement pour la première année et, oh mon Dieu, c'est des jeunes qui ont vraiment le sang-froid, qui ont peur de rien et qui se battent vraiment du début jusqu'à la fin de l'épreuve pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ce que Thomas Neveu a fait de façon remarquable en Minimax. Moi, je lui lève mon chapeau parce que faut se le dire, là, c'est la crème de la crème de tout ce qui se passe dans le monde du karting. avec les pilotes qui viennent de partout dans le monde pour le championnat mondial. Et Thomas Nauvieux a réussi justement à démontrer qu'il faisait partie de cette crème de pilotes-là un petit peu partout dans le monde. On le sait ici, au Québec, on n'a pas extrêmement un gros bassin quand vient le temps de participer de façon compétitive. On parle souvent du fait que ça coûte cher courser. Ça, on le sait. Par contre, le nombre de pilotes dans les catégories style Micromax, Minimax sont la plupart du temps les catégories dans lesquelles il va y avoir le plus de pilotes ici au Québec, au Canada. Alors, de ce côté-là, si on calcule pas, bien évidemment, le 4 temps. Mais dans ces catégories-là, c'est là aussi qu'on peut voir justement la passion des jeunes commencer à ouvrir leurs pétales telle une fleur. Donc, de ce côté-là, ça a vraiment été super le fun de voir Thomas Nauvieux pouvoir participer à cet événement-là, mais aussi de performer de cette façon-là. C'était génial. En Rotax Junior, il y avait Ryan McDermott, Samuel Lupien, qui était participant à l'événement. Malheureusement, Ryan McDermott a pas pu terminer l'événement. Ça s'est terminé en pré-finale pour lui à la suite d'un accrochage. Alors, ça s'est pas super bien terminé. Par contre, on avait vraiment un début de fin de semaine qui s'en allait très, très bien. Si on se souvient bien, la semaine dernière, je parlais avec vous que Ryan McDermott avait réussi à se qualifier en première position. Puis, avec cette première position en qualification-là, on allait justement partir tout ce qu'on appelle les heats, les courses qualificatives qui allaient nous donner la position de départ pour la pré-finale en première position. Donc, c'est vraiment ce que la qualification faisait au championnat mondial, c'est qu'elle pouvait nous donner la position de départ de trois courses qui allaient être regroupées ensemble pour donner une autre position de départ. Et Ryan McDermott a vraiment réussi à très bien faire dans ces courses qualificatives-là jusqu'à la pré-finale. Malheureusement, à la pré-finale, ça s'est pas super bien passé. Accrochage, on a terminé. Et selon le nombre de pilotes qui avaient présent, eh bien, on n'a pas eu de last chance, on n'a juste pas pu participer à la finale. Alors, c'est dommage de ce côté-là pour Ryan McDermott, mais Samuel Lupien, un pilote qui était à sa première venue au championnat mondial, on le connaît entre autres parce que son frère, Cédric Lupien, avait déjà participé, mais on a aussi déjà parlé à Samuel dans l'émission quand on a su, en fait, qu'il allait faire partie de Team Canada pour se rendre du côté de l'Italie. Alors, on a bien performé de ce côté-là. On a terminé avec, si je me souviens bien, c'est dans les 20e premières positions, mais... C'est difficile, le championnat mondial. C'est pas un championnat qui est facile. C'est sûr et certain. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait jasé aussi avec un pilote en classe DD2 qui était Alessandro Bizzotto. Lorsqu'on a su que lui aussi allait participer à l'événement, il nous disait lui-même, tu t'en vas là aussi te battre contre les meilleurs. C'est un événement qui est difficile aussi. Que ce soit physique, mais surtout sur la piste avec d'autres pilotes, on parle de des grosses grilles de pilotes qui sont en piste en même temps. C'est au-dessus d'une vingtaine de pilotes assurés. Alors de ce côté-là, lorsqu'on est habitué avec peut-être, je sais pas moi, une dizaine de gars autour de nous, ça va bien. Mais lorsqu'on roule tous ou presque à la même vitesse, qu'on a tous ou presque le même talent, mais qu'on est comme 35 en piste, c'est sûr que ça fait un petit peu plus de carambolage et ça fait bien évidemment un petit peu plus de trafic. Alors, de ce côté-là, ça n'a pas été la meilleure des chances pour nos Canadiens. Par contre, malgré tout ça, l'équipe Canada qui s'était rendue justement du côté de l'Italie a quand même gagné la Coupe des Nations. Donc, on est champion malgré tout au monde selon le nombre de participants qui ont pu participer au final. Donc, toute la semaine, Team Canada a travaillé en équipe ensemble et c'est vraiment ça qui a fait le succès du Canada. Encore une fois, cette année, on a été sacré champion mondial pour ce qui est de Team Canada avec justement le travail d'équipe. Alors, c'était des résultats toute la semaine qui allait être payant pour l'équipe canadienne. Entre autres, quand je parle de ce qui est payant tout au long de la semaine, bien évidemment, je fais allusion aux résultats en pratique, je fais allusion aux résultats en qualification, résultats de courses qualificatives, qui allait participer au prix final et final. Donc, de ce côté-là, quand on a réussi à voir, justement, les pilotes comme Andrés Di Alba, qui a fait un top 5 en Rotax Junior, félicitations, Zachary Clamande-Demers, Thomas Nauvieux, qui lui est arrivé vice-champion. C'est grâce à tous ces pilotes-là qui ont réussi à se rendre en finale et en prix final que l'équipe Canada a réussi à mettre la main sur le Trophée des Nations. Et ça, c'est génial parce que c'est pas la première année que ça arrive, mais bien évidemment, ça met le Canada sur la map encore une fois. Ça démontre qu'on est très bien capable de se débrouiller face à d'autres pilotes mondiaux. On le sait bien souvent, on va dire que les Européens sont peut-être... je veux pas dire meilleur, mais ont un avantage avec la température. Même chose pour les Américains. Si vous décidez d'aller courser tout au long de l'hiver en Floride, bien, vous avez une météo qui est différente de la nôtre ici au Québec. Donc, de ce côté-là, bien souvent, les Canadiens et les Québécois, à cause des températures, à cause des saisons, bien, c'est vu un petit peu comme un désavantage. Par contre, ce qui est vu comme un avantage aux yeux de tout le monde, c'est que nous, ici au Québec et au Canada, on a beaucoup de pluie durant l'été. Alors, de ce côté-là, quand nous, on arrive au championnat mondial et qu'il arrive quelque chose comme en fin de semaine où ça s'est mis à avoir une espèce de déluge de pluie totale, on est quand même capable de rester sur la piste, d'avoir une trajectoire différente et de performer au mieux de notre forme. C'est ce qui est arrivé pour Andrés D'Alba qui est arrivé dans le top 5 en junior. C'est vraiment, il dit lui-même, il dit « Je pense que c'est grâce à la pluie et à la technique de conduite que j'ai sur la pluie que j'ai réussi à me rendre aussi loin comparé à certains autres pilotes. » Alors, félicitations à tous nos Canadiens qui étaient du côté de l'Italie en fin de semaine. Même chose pour ceux qui étaient présents au Rock Cup. C'est 6 heures, une piste qui était à 6 heures de celle de Sarno. Ça a été un petit peu plus difficile du côté de nos pilotes canadiens et québécois en shifter. Mais que voulez-vous, on a eu une belle délégation quand même, on est fiers d'eux, ils se sont rendus très très loin et c'est ça la beauté de tout ça, c'est qu'à un certain point avec les championnats canadiens, avec les championnats québécois, on est capable de dire aux autres un petit peu partout dans le monde, mais nous aussi on est capable de performer comme vous êtes capable, alors on va se voir au championnat mondial. J'espère que ça va aussi bien se passer l'année prochaine pour la plupart de nos pilotes, ça devrait recommencer pour certains dans quelques semaines, puisque justement, comme je le disais, en Floride, ça va commencer à courser. On va commencer à voir les fameux championnats de Florida Winter Tour qui vont commencer. On va avoir la chance de pouvoir suivre ça avec la durée de en piste avec Tania Baudin qui va être là tout l'hiver. Alors, c'est vraiment le tour de ce qui fait... c'est ce qui fait le tour, en fait, de ce qui s'est passé dans le monde de la course automobile en fin de semaine pour les sujets dont je voulais aborder parce que je voulais vraiment mettre l'emphase sur nos pilotes canadiens qui sont allés en Italie. Au retour, on va faire un des nouveaux segments de l'émission. On va faire le segment portrait de pilote. Mais tout juste avant ça, on va aller écouter Billy Currington avec « It doesn't hurt like it used to ». My friends told them just how our story ends. Did all I could to try to make it work, but you drug my heart through the Alabama dirt. I've been at the house, climbing them walls, checking that calendar, action days off. Hit another bar, call another friend, throw a few down to the story again. We'll be right back. teacher's line says it's all okay. It don't hurt like it used to, de Billy Currington. Au retour de la pause, on fait le segment de portraits de pilotes. Et je vais vous présenter un des pilotes qui a déjà participé à l'émission. Malheureusement, il n'a pas encore coursé ici même au Grand Prix de Trois-Rivières, mais je sais que c'est un de ses souhaits, quand même les plus chers. Vous allez savoir c'est qui au retour. C'est fou, c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. Toujours à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. On est ensemble encore pour approximativement une demi-heure. Vous êtes dans l'émission En piste avec Tania Baudin où on parle de course automobile, où on écoute de la musique country et où on parle de véhicules. Des véhicules, ben oui, vous allez savoir ça d'ici la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, je vous expliquais que en temps normal, à ce temps-ci de l'année, la saison d'En piste avec Tania Baudin, elle s'écoule un petit peu en même temps que la saison de course québécoise, canadienne. Mais que cette année, j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de rester à l'antenne avec vous pour justement discuter peut-être de ce qu'on n'a pas nécessairement le temps de discuter en plein été, c'est-à-dire faire des portraits de pilotes, c'est-à-dire parler des autres disciplines qui se font aussi un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec le segment de pilotes. La semaine dernière, on a parlé du pilote québécois Olivier Bédard. Aujourd'hui, on va parler du pilote canadien Parker Thompson. Je vous disais tout à l'heure que c'est un pilote qui n'a pas encore coursé ici même à Trois-Rivières, au Grand Prix de Trois-Rivières, mais je sais très bien que c'est un de ses souhaits les plus chers. On en a déjà discuté en entrevue, lui et moi, et c'est quelque chose qui, malheureusement, à cause de son horaire, il n'a jamais eu la chance de pouvoir le faire. Donc, j'espère qu'en 2017, Parker va se trouver un petit temps dans son horaire où il va pouvoir squeezer le Grand Prix de Trois-Rivières puis venir participer, parce que je pense que ça pourrait être à son avantage de se faire voir ici au Québec, malgré le fait que ça serait pas la première fois qu'il courserait sur un circuit québécois, mais un circuit avec une envergure comme celui du Grand Prix de Trois-Rivières, ça reste toujours quelque chose de très très excitant pour les pilotes. Alors, qui est Parker Thompson plus précisément? Eh bien, pilote canadien qui vient de l'Alberta, âgé de 18 ans. Il a réussi à faire son école secondaire en même temps que de courser à plein temps en karting. Je me souviens quand Parker avait commencé justement dans le monde de la course automobile, il mettait beaucoup d'emphase là-dessus, comme plusieurs des pilotes en karting voulaient pouvoir se rendre un petit peu plus loin dans sa carrière. Mais il a quand même mis les études de l'avant, parce que c'est quelque chose qui était important pour lui, mais c'est pas simplement un pilote de course. Il adore le badminton, le golf, le cross-country, mais c'est un pilote aussi qui a beaucoup de hobbies. Entre autres, il est porte-parole de la campagne Drive to Stay Alive, et c'est une des campagnes avec laquelle j'avais discuté avec lui l'année passée. Donc, qu'est-ce que Drive to Stay Alive, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant? Ça s'en vient petit à petit, un petit peu partout dans le Canada. Je sais que lui-même, avec l'équipe qui est autour de lui, qui l'entoure pour ce projet-là, travaille très, très fort à pouvoir propager cette campagne-là un petit peu partout dans le Canada. Mais Drive to Stay Alive, c'est tout simplement pour conscientiser les jeunes qui sont dans les écoles secondaires, qui sont dans les cégeps, même universités, à rester concentré sur la route à bien évidemment ne pas texter. Et je sais que on a utilisé Parker pour comme porte-parole parce que lui-même explique en conférence que c'est assez facile dans le monde de la course automobile d'être distrait malgré le fait que ça prend beaucoup, beaucoup de concentration. Et c'est un petit peu la même chose qu'il tente de reproduire avec ses conférences. Et je sais, entre autres, qu'il essayait, v'là pas très très longtemps, de pouvoir faire ce programme-là en français, spécialement pour le Québec, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Parker, c'est un pilote qui a quand même eu la chance de courir, de courser sur différents circuits ici au Québec, pas encore le Grand Prix Trois-Rivières, mais il a eu la chance de courser, entre autres, au Grand Prix du Canada, il a coursé du côté d'Icar aussi, et c'est un pilote qu'on a pu voir en karting aussi un petit peu partout au Québec lorsqu'il coursait encore dans cette discipline-là. Alors, de son côté, le Québec a toujours été une place où il voulait développer ce fameux programme Drive to Stay Alive. Et je pense que c'est une bonne chose, en fait, pour un pilote de s'associer à une campagne comme celle-là, parce que ça fait en sorte aussi que les gens ont conscience un petit peu plus que c'est pas parce que t'es un pilote de course que tu veux absolument faire de la course lorsque tu embarques dans une voiture routière. Hein? Donc, de ce côté-là, lorsque les gars arrivent sur les rues de la ville normale, ils savent très bien faire la distinction pour la plupart que c'est pas nécessairement une piste de course. Donc, d'utiliser un pilote de course pour en faire la campagne. Moi, en tout cas, je leur lève mon chapeau parce que je trouve que c'est une excellente idée. Et récemment, Parker Thompson était du côté de la Grande-Bretagne, il est encore là-bas, pour participer au Ford Festival. Qu'est-ce que le Ford Festival? Tout à l'heure, je vous parlais de Team Canada qui avait été du côté de l'Italie en karting. C'est un petit peu la même chose, mais du côté des formules Ford. Alors, Parker Thompson avait fait, dans le temps, du karting. On l'a aussi vu en Formule 1600. Et présentement, il course en Formule 2000 du côté des États-Unis. Il est vice-champion 2016. Alors, c'est un petit peu grâce à tout ça, grâce à ses résultats en Formule 1600 dans le passé et en Formule 2000 cette année, qu'on a décidé de mettre l'emphase sur Parker et de l'accepter dans l'équipe Team Canada pour justement aller défendre ce fameux titre-là d'équipe canadienne du côté de la Grande-Bretagne au Formula Ford Festival. Malheureusement, ça s'est pas super bien terminé pour Parker Thompson. C'est à la suite d'un accrochage. On a dû manquer la finale, en quelque sorte, pour Parker. C'est un article de Pole Position qui nous en parlait cette semaine. J'étais contente de voir qu'on avait retenu que Parker était du côté de la Grande-Bretagne pour justement aller participer à cet événement-là. Donc, à chaque année, Team Canada, avec Brian Graham Racing, envoie au Formula Ford Festival en Angleterre un pilote canadien qui s'est démarqué durant l'année. Comme je vous expliquais, Parker, c'est grâce à ses résultats en Formule 500, en Formule 2000. Entre autres, on le doit répéter, il est vice-champion 2016 maintenant. Donc, on a choisi Parker cette année, mais Parker Thompson a eu malheureusement un petit pépin en course. Il s'était quand même classé en pole position pour la première course qualificative. Alors, ça allait super bien de ce côté-là pour sa fin de semaine. Mais à la suite d'un contact avec un autre pilote, il l'a reculé en 11e position pour finalement terminer l'épreuve en 6e place. Ceci pour ce qui était de la première épreuve. Mais en demi-finale, Parker s'est lancé de la 8e position. Dans le 2e virage, malheureusement, un adversaire a effectué une sortie de piste, ce qui a provoqué l'abandon du pilote canadien parce que malheureusement, on n'a pas pu éviter l'autre pilote de son côté. Donc, ça l'a mis fin au week-end de course. C'est un petit peu plus triste de ce côté-là. Par contre, attention, il n'a pas terminé. Parce que dans deux semaines, c'est le Walter Hayes Trophy qui va se dérouler sur le circuit de Silverstone encore. Et Parker Thompson va avoir justement la chance de pouvoir y aller. C'est les 5 et 6 novembre prochains. Donc avec l'aide de Team Canada, l'équipe Canada et de commanditaires de dernière minute à la suite de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On a pu inscrire le pilote canadien et ça va être pour Parker Thompson l'occasion justement de se frotter aux meilleurs pilotes de Formula Ford dans ce monde-là. Entre autres, le pilote irlandais Niall Murray, c'est lui qui a gagné le Formula Ford Festival la semaine dernière, bien en fin de semaine. Et pour Parker Thompson, j'ai comme l'impression que ça va être justement de pouvoir peut-être mettre des pansements sur ses bombes à la suite de cette fin de semaine qui s'est mal déroulée. Mais j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour les 5 et 6 novembre, parce que Parker, c'est un pilote qui, un, bien évidemment, comme la plupart, n'aime pas perdre, aime encore moins perdre si c'est quelque chose qu'il pouvait pas nécessairement calculer, si c'est quelque chose qu'on peut pas éviter, malheureusement, c'est frustrant, mais c'est comme ça, c'est le monde de la course automobile. Alors, pour Parker, je sais que ça va être un pilote qui va retourner en voiture, qui va dire, OK, là, en fin de semaine, je donne le tout pour le tout. Je suis avec, je suis ici pour représenter encore une fois Équipe Canada. Alors, je pense que ça va être une bonne chose et on va essayer de le suivre de très, très près. Parker Thompson, comme je le disais, est un pilote qu'on n'a pas encore vu au Grand Prix du Grand Prix de Trois-Rivières, mais je pense qu'en 2017, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait travailler de son côté. J'ai essayé de le rejoindre à quelques reprises. On en a déjà discuté, lui et moi. C'est un événement qui amène tellement le Grand Prix Trois-Rivières. Ça a un grand envergure un petit peu partout dans le monde. Alors, de pouvoir participer à un événement comme celui-là, si l'horaire le permet, c'est comme une chance en or pour un pilote canadien. Alors, je sais qu'il espère grandement pouvoir participer à cet événement-là. On espère pouvoir le voir, que ce soit en Formule 1600 et en 2017 au Grand Prix Trois-Rivières. Ça serait vraiment le fun. Je vous parlais aussi qu'on allait faire le segment électrique, nouveau segment dans l'émission, formule électrique, voiture autonome. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça en même temps que de faire le segment portrait de pilote, faire les deux nouveaux segments ensemble. Donc, j'ai le goût de vous présenter qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Elon Musk est un petit peu fâché. Selon la presse, selon les médias. En fait, il est fâché après les médias et après la presse pour tous les mauvais commentaires qu'on entend à l'égard des voitures autonomes. Vous savez, ces voitures qui se disent capables d'être conduites seules sans vraiment l'aide d'un être humain. Elon Musk se dit un petit peu fâché de tous les mauvais commentaires qui sont dans les médias présentement, parce que ça tue un petit peu cette idée-là qu'à un certain point, on pourrait évoluer vers une voiture qui va être autonome par elle-même. Il y a quelques accidents qui se sont déroulés dans les derniers temps où on faisait des tests. Entre autres, il y a quelqu'un qui a fait un gros accident du côté, si je me souviens bien, de la Floride il y a quelques temps. Et on explique, entre autres, que la personne écoutait un film. OK, en même temps que de conduire, mais en théorie, la conduite est censée se faire tout seul. Mais il n'était pas nécessairement focusé à ce qui se passait malgré le fait que la voiture se conduit seule. Et il dit que présentement, les gens doivent quand même être à l'affût de ce qui se passe devant eux. Si t'es dans une voiture, t'es dans une voiture. Tu fais pas nécessairement n'importe quoi d'autre. Mais la mauvaise presse pourrait tuer en quelque sorte ce fameux projet-là que certains ont de pouvoir développer une voiture qui va être autonome à un certain point. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer du côté des voitures autonomes. On se rappelle, il y a quelques semaines, on discutait du fait que Apple aussi voulait justement travailler sur un véhicule, sur une voiture qui allait, elle aussi, être autonome à un certain point. On a vite clarifié le fait que on a jeté l'éponge là-dessus pour Apple. On ne va pas travailler plus fort de ce côté-là. Pardon, je suis désolée, je m'étouffe. Donc, pour Apple, on sait que c'est terminé pour cette année. On va pas nécessairement pas y revenir dans le futur, mais on sait qu'on va mettre les efforts beaucoup moins fort du côté de la voiture autonome. Pour ce qui est d'Elon Musk et Tesla, on dit qu'on va quand même travailler fort. Une voiture autopilote, ça se fait. Il y a des modèles de Tesla qui se font de ce côté-là. J'ai hâte de voir où ça peut amener. Moi, j'ai comme l'impression que ça enlève aussi le plaisir de dire que tu conduis ta propre voiture que d'avoir une voiture autonome. Ça fait aussi très, très un « back to the future ». Automatiquement. Je pense que c'est le cinquième élément avec la fille qui a les cheveux orange puis Bruce Willis. Moi, je trouve que ça sonne tellement comme ça, une voiture autonome. Mais j'ai hâte de voir. Tu sais, la technologie, ça va tellement rapidement que je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver d'ici 5 à 10 ans au point tel où on se dit, OK, tout le monde va avoir des voitures autonomes sur la route, mais d'un autre côté, les voitures dites course automobile, vont quand même rester des voitures comme on a là. C'est peut-être ce que j'aimerais voir à un certain point, de voir l'évolution du côté autonome, du côté électrique aussi, de voir qu'on prend un tournant un petit peu plus vert du côté de l'automobile dans les rues, mais du côté du travail, de tout ce qui est technique, tout ce qui est course automobile, gardez ça, tu sais, gardez ça comme c'est là, là. Ça serait le fun. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que j'en pense. Je pense que présentement, c'est peut-être pas nécessairement le temps, justement, pour mettre cette fameuse autonomie-là dans les véhicules. Je pense qu'il y a encore beaucoup de tests qui restent à faire. Même chose du côté d'Elon Musk, il le dit lui-même, il dit « on continue à faire des tests, on continue à faire de la progression de ce côté-là, mais je pense qu'il y a un avancement qui va être fait et qui doit être fait aussi à un certain point pour tout ce qui est technologie. Je pense que ça amène un beau côté à tout ce qui est automobile. » Dans le même segment, on parle de Audi qui a annoncé son retrait de l'endurance dès la fin de saison, mais pour se concentrer sur la Formule E. Je vous explique. Laissez-moi 30 secondes, il faut que je prenne une gorgée, là. OK. Donc, c'était une rumeur, mais là, on a annoncé tout ça d'un effet bombe ce matin. Ça a un petit peu sauté partout sur les médias sociaux en même temps. Plusieurs journalistes, plusieurs médias différents ont fait l'annonce ce matin. Donc, Audi ne va plus aligner ses prototypes LMP1 en championnat du monde d'endurance ni aux 24 heures du Mans. Donc, c'est une décision qui va prendre effet dès la fin de l'actuelle saison. On parle dans vraiment pas longtemps, là. La marque aux anneaux explique que cette décision est motivée par une redéfinition de la stratégie sportive qui va passer par un engagement officiel à la formule électrique à compter de 2018. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de progression qui se fait dans le monde de l'automobile et il y a beaucoup de gens, beaucoup de constructeurs automobiles qui sont un petit peu de plus en plus tentés vers la formule électrique, ce que je trouve très, très bien en passant. Et c'est mercredi matin que le président du conseil d'administration d'Audi, Rupert Stadler, a expliqué la décision aux 300 employés de la branche sportive du constructeur allemand. Donc, il disait « Nous allons participer à l'avenir aux courses électriques. Comme nos voitures de série deviennent de plus en plus électriques, nos voitures de course feront de lance technologique d'Audi doivent l'être encore plus. » Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est sûr que dans le monde de l'endurance, c'est un gros bout qui s'en va. Mais je pense que si Audi sont les premiers à le faire... C'est sûr et certain qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Audi précise que son engagement en DTM pour 2017 reste inchangé, par contre, donc ça va rester comme ça. Aucune décision a été prise concernant le rallycross non plus, le World RX. Donc, le retrait d'Audi du monde de l'endurance marque la fin d'une période de 18 ans, durant lesquelles le constructeur a largement contribué à écrire une page de succès historique. On parle entre autres de 13 victoires aux 24 heures du Mans, 2 titres mondiaux, et Audi a été le premier constructeur, entre autres, à imposer un prototype diesel dans la SURF et ainsi que le premier à y faire triompher une voiture hybride. Donc, vous voyez toute cette espèce de technologie-là du côté de l'hybride, du côté un petit peu plus vert du monde de la course automobile. Je pense pas que ce soit quelque chose qui doit être mal vu. Je pense pas non plus que rendu aujourd'hui, en 2016, on voit ça comme quelque chose qui est mal vu aussi. Je pense que les gens commencent à comprendre de plus en plus que pour les constructeurs automobiles, c'est une très belle porte d'entrée, surtout quand ils travaillent beaucoup du côté des véhicules routiers pour monsieur et madame tout le monde sur les routes. Alors, pourquoi pas aussi le faire du côté technologique et du côté performance? Donc, après 18 ans de compétition en prototype qui ont été exceptionnellement victorieuses pour Audi, c'est très difficile de partir. Ça, c'est des gens d'Audi qui le disent eux-mêmes. Audi a pris part au WEC durant cette période comme aucune autre équipe. Et certains gens qui travaillent pour Audi aimeraient exprimer leurs remerciements à Audi, à l'équipe, aux pilotes, aux partenaires, commanditaires et la coopération particulièrement réussie dans tout ça. Et ça a été un grand moment. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté électrique. J'ai... moi, j'ai comme l'impression que cette évolution-là va très bien se faire. Je pense pas que ça va être un échec. Je pense pas non plus que ça va être quelque chose qui, comme je le disais, va être mal vu. Je pense qu'on va réussir, au contraire, notre espèce de pari du côté d'Audi, de se dire on peut y arriver. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça va arriver et ça va bien arriver. Je pense qu'on va avoir les résultats espérés du côté d'Audi. Du moins, je leur souhaite. Je leur souhaite grandement. Ça serait vraiment le fun. Du côté de Montréal, bien, on a eu en début de semaine, j'ai de la difficulté avec les dates ces temps-ci. Hein. On est les mercredis, mais il se passe plein d'autres choses. Donc, la ville de Montréal va être, c'est annoncé de façon officieuse, en juillet prochain, donc en 2017, le théâtre de la Formule E. Donc, les deux dernières manches de la troisième saison du championnat de Formule électrique. Les dirigeants de la Formule électrique ont élu la ville de Montréal comme celle des deux dernières manches de la troisième saison du championnat de la Formule électrique. Ça s'est fait tout ça de façon officielle vendredi matin lors d'une conférence de presse qui était tenue dans le centre-ville devant un grand nombre de représentants des médias. Les deux courses vont être le 29 et le 30 juillet et vont être le clou d'un événement majeur destiné à faire la promotion des énergies alternatives dans les transports. Donc à Montréal, c'est la capitale mondiale de l'électricité apparemment. C'est ce qu'a affirmé l'animateur de la conférence de presse à laquelle assistait entre autres le maire de Montréal, Denis Coderre, Alejandro Agag, le patron de la Formule E, et Nelson Piquet Jr., le premier champion de la série. Je savais pas ça, moi, que Montréal était la capitale mondiale de l'électricité. C'est quelque chose qu'on m'apprend. Je suis contente de voir ça parce que malgré tout ça, on sait qu'il y a plusieurs gens dans la ville de Montréal qui sont réticents à voir arriver la formule électrique. Moi, je pense que d'un autre côté, ça amène un nouvel air à tout ça. Je pense que ça va amener aussi un nouveau public qui est peut-être pas interpellé justement par la Formule 1, mais d'amener la Formule électrique, est-ce que ça va amener les revenus qu'on espérait à un certain point pouvoir avoir avec la Formule 1? Et est-ce que ça va amener... j'ai hâte de voir, par exemple, comment est-ce que ça va se passer du côté des retombées, mais pour l'événement, le tracé urbain va être de 2,75 km et... Ça a été montré, entre autres, annoncé dans plusieurs médias il y a quelques semaines déjà. Ça va comprendre 14 virages. Il va être implanté autour de la maison de Radio-Canada, dans l'est de l'île de Montréal, près du pont Jacques-Cartier. J'ai l'impression que ça va être un très beau tracé. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va prendre place, tout ça. J'ai comme l'impression que ça pourrait être aussi, à un certain point, difficile de voir le tracé, mais je pense que ça va bien se passer. Et Montréal, évidemment, possède tous les atouts pour organiser une course majeure comme celle-là. C'est ce que disait le maire Coderre. C'est plus qu'une simple course, hein, aussi. C'est une vision de l'avenir, du développement durable. Ça va être comme une espèce de grande fête qui va célébrer l'électrification des transports, selon M. Coderre. Et le Québec est un fer de lance mondial de l'hydroélectricité et on produit l'électricité la plus propre au monde. Donc, cette course de voitures électriques-là va permettre de faire découvrir les avantages de la technologie, mais aussi de mettre de l'avant le Québec de ce côté-là. J'ai hâte de voir. Je pense que, cherchez-moi pas les 29 et 30 juillet prochains. C'est sûr et certain que je vais essayer d'être du côté de Montréal pour voir cet événement-là. Plusieurs chercheurs, entreprises, universités et spécialistes vont être impliqués justement dans ce projet, dans cette course-là, qui vise aussi à accélérer le développement des moteurs, des batteries, les dispositifs de recharge qui vont être destinés aux véhicules particuliers. Et Alejandro Agag a aussi confirmé que le Grand Prix électrique de Montréal organiserait une course Robo Race. C'est une série unique qui est réservée à des voitures de compétition entièrement autonomes, ce qui permet d'accélérer le développement des systèmes de contrôle de nouvelles voitures sans conducteur. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Tesla, voiture autonome, Apple aussi qui s'était mis les pieds là-dedans pendant quelques secondes. On commence à voir justement cette espèce de progrès-là. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer. Du côté du segment divers. Qu'est-ce qui se passe sur le monde des médias sociaux? On parle entre autres sur flagworld.com de l'avenir du Grand Prix de Malaisie en Formule 1 qui pourrait être en suspens. Donc, la Malaisie pourrait suspendre l'organisation d'un Grand Prix de Montréal de Formule 1 et c'est à la suite d'un contrat du tracé de Sepang avec la discipline qui court jusqu'en 2018. Donc, C'est ce que laissent entendre certaines déclarations de plusieurs responsables qui gravitent autour de l'événement. Ce serait peut-être bon pour la Malaisie de prendre une pause. C'est ce qu'a indiqué le directeur général du circuit malaisien. Il dit qu'il pense que le produit n'est plus existant puisqu'il est dominé par une seule équipe. Il dit qu'une réunion doit être organisée cette semaine afin de discuter de l'avenir de l'épreuve. Et une autre voix est venue accréditer un potentiel retrait de la Malaisie en la personne du ministre de la Jeunesse et des Sports du pays qui a cité les déclarations du directeur du tracé sur son compte Twitter en indiquant que le coût pour la Formule 1 était beaucoup trop élevé pour la Malaisie. Alors de ce côté-là, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer si on perd le Grand Prix de Malaisie. Ça va en prendre un autre. Je pense que ça va en prendre un autre, mais on va voir comment ça va se passer de ce côté-là. Sachez aussi, on parlait de formule électrique. Tokyo et Yokohama visent à avoir une course à l'horizon en 2018. Alors, les deux villes japonaises sont à la recherche d'une place dans le championnat de monoplace électrique à partir de la 5e saison. Et ça, c'est un article que vous pouvez retrouver sur motorsport.com dans l'onglet France International. Et le patron de la Formule E, Alejandro Agassi, était en visite à Yokohama la semaine dernière pour une série de réunions dans le but d'essayer de trouver un accord afin d'organiser ce qui serait la première course de la discipline au Japon. Moi, je pensais que ça aurait été là que bien avant 2018, là, honnêtement, là, le Japon, l'électricité, tout ça, je pensais qu'on allait être en avance, mais non, on parle simplement de 2018. Alors, une délégation amenée par Kim So-Nil de l'entreprise Detsu, qui est censée être impliquée dans la volonté d'organiser une course dans le pays, a été présentée à Hong Kong ce week-end pour de nouvelles réunions avec les officiels de la Formule 1. Les discussions ont été bonnes la semaine dernière et Yokohama paraît très fort, mais certains pensent heureux d'avoir Yokohama, soit Tokyo, pour un premier rendez-vous au Japon. C'est important de courir là-bas à un certain stade et c'est ce que disait le directeur, le patron de la Formule E. Je pense aussi que c'est important de courir là-bas à Tokyo pour tout ce qui est avancement technologique. T'sais, on sait, ça se joue beaucoup là-bas. Là. Moi, je pensais que ça serait arrivé bien avant 2018, mais ça prend du temps à installer toutes ces choses-là. Ça prend du temps à faire le changement vers l'électrique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça comme une bonne chose, hein, aussi, on se rappelle. Alors, de ce côté-là, pour certains, c'est plus difficile à accepter que pour d'autres. On peut pas trop se baigner dans ce sujet-là. C'est comme la politique, c'est difficile à un certain point. T'as les amateurs de ce qui sent l'essence qui brûle, les tires qui brûlent aussi, mais t'as aussi ceux qui sont pour l'avancement technologique et t'as ceux qui sont au milieu. C'est vraiment pareil comme la politique. Alors, c'est quand même difficile à certains moments de discuter de ces sujets-là, de l'avancement du côté de la technologie des automobiles, de la technologie du côté du monde du sport automobile aussi. On le sait, mais je pense que ça va faire son temps. Les gens vont l'accepter et ça devrait être des valeurs sûres, tant qu'à moi. Une autre des valeurs sûres, vous pouvez trouver ça, cet article-là sur lapresse.ca. On parle de la Corolla IM, qui serait une valeur sûre, mais pour la concurrence, on l'attend de pied ferme. Donc, qu'est-ce que la Corolla IM? Eh bien, c'est un nouveau véhicule, bien évidemment, vous aurez deviné. Mais certains automobilistes recherchent davantage et la concurrence apparaît plus susceptible de les satisfaire dans le domaine de comparaison. Donc, on parle entre autres de la Chevrolet Cruze, la Honda Civic qui est plus hatchback ces temps-ci. Alors, en matière de connectivité, la Corolla IM se trouve à la remorque de bon nombre de ses rivales, dont par exemple, comme je disais, la Cruze puis la Honda Civic, qui, pour la première fois en Amérique du Nord, se décline en version 5 portes. Et on parle du mal à se défendre face à la nouvelle Civic. Comme je disais, la nouvelle Civic qui est un petit peu plus hatchback. La Corolla IM aurait un petit peu plus de difficultés face à la Civic. La Civic serait beaucoup plus populaire auprès des gens. Alors, une nouveauté de l'automne et la dernière est offerte à un des prix de départ de 21 390 $ et ça comporte des technologies de connectivité similaires à celles de la Cruze, un habitacle qui présente une plus grande modularité, des mécaniques à la fois plus frugales et plus épicées. Donc, en fait, on parle d'un véhicule qui est agrémenté, mais qu'on parle encore d'hatchback, on parle beaucoup d'espace dans les nouveaux véhicules et c'est ce qui fait vraiment, je pense... qui attire l'œil des gens. Moi, j'ai vu la nouvelle Civic qui est hatchback sur la rue. Je pense que c'est ce matin, en plus, que je l'ai croisée. Je la trouve belle. Je la trouve vraiment belle. J'ai hâte de voir si je vais pouvoir l'essayer, peut-être. Je vous en reparlerai. Mais c'est un véhicule qui fait beaucoup jaser. On parle aussi de la comparaison avec la Golf Sportswagen qui propose cette année en option un rouage à quatre roues motrices sur l'ensemble de la gamme. Donc, on se rapproche peut-être justement un petit peu plus de ce que Subaru offrait. On sait pas trop comment ça va se passer. J'espère que vous avez aimé l'émission cette semaine parce que c'est déjà la fin. Oui. On va se laisser avec une pièce de Drake White, un des chanteurs country canadiens que j'ai découvert ça fait quelques temps. Il continue à mettre de nouvelles pièces musicales sur ses réseaux sociaux, sur Spotify. Donc, si jamais ça vous intéresse, cherchez Drake White. On va se laisser avec la pièce Leaving the Dream et restez en onde parce qu'à 15h, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et nous, on se dit à la semaine prochaine. Lately, times are hard and hearts break like the bank. Oh, yes, it do. Lots of reasons just to give it on up. Leave your soul on the shelf, collecting dust. Live in a world of broken promises and empty tanks. Oh, but look at us. Look at us with a picket fence. Don't got a lot of money, but we're making a dent. Old Ford truck with a dog in the back. Now, hey, we live in a dream. Big blue sky, green, green grass. Ain't doing half bad for a half. Me, baby, yeah, just like that. Now, hey, we live in a dream. Put on a little old Keith Whitley, back porch dancing, singing with me. I'm no stranger to the rain. No, no, he ain't. Pour a little bit of homemade wine, make some love, take our sweet time. Lately, what do you think about that?